dédicace pour Bébert. Dédicace pour Bébert. Pour toi, mon frère. Bébert est au paradis. C'est à mes amis qui me l'a appris. Envie hémorragie. Ça faisait déjà un moment qu'il voulait souffler les bougies. Trop de gens l'ont banni. Le racket ou le racketé. Je dis la vérité. Le voilà reposant en paix. Car c'est ce qu'il voulait. Je n'aurais pas songé que sa vie aurait tant basculé. Tu seras toujours dans mes pensées. Et cet enfoiré peut culpabiliser. Car il finira carbonisé. Putain, on verra plus rôder. On t'entendra plus demander. Et ma petite gazelle, t'as pas une petite cigarette? Tu nous animais plus d'une soirée. Ouais, on se marrait. T'avais toujours du temps pour nous écouter. Comment elle a osé te percuter? Tout le monde sait que t'étais pas baraqué. Ta vie était carrée. Tout le monde sait ce que tu faisais. Tu n'avais rien de méchant. Je te dédie ce chant. Soulageant sur des beaux moments, on était bien dans ces halls, à part notre bière, à se péter de rire sur la gueule des commères et de nos anciennes galères. T'avais pas besoin de regarder les itinéraires, non pas besoin. J'espère que tous les tiens se soutiennent sous ce message, s'ils le comprennent bien. Car t'avais pas d'itinéraire pour rentrer chez toi. Et voilà Caminab a fait un truc incroyable, a pris un pied de table en se prenant pour un gentleman. Mais sa force pour le capeter dans le crâne. Je suis désolé mais je peux m'imaginer que ce type là n'est même pas emprisonné. C'est insensé. Y'en a qui meurent sans en parler, d'autres tuent sans être condamnés. De toute façon y'a pas de condamnation à donner. Juste qu'il a eu crevé électrocuté. Juste qu'il a eu crevé électrocuté. Juste qu'il a eu crevé électrocuté. On n'a pas de photos, que des souvenirs éparpillés dans notre cerveau. Garde ses mémoires et l'espoir de te revoir là-haut. Voilà, dans notre, on n'a pas de photos, que des souvenirs éparpillés dans notre cerveau. Garde ses mémoires et l'espoir de te revoir là-haut. Dédicace pour Bébert, dédicace pour Bébert. Repose en paix toi qui es là-haut.